d'accord, mais c'est rigolo. Non, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait faire une règle en fait pour les gars, c'est deux accords. Pour les gars, c'est toujours deux accords. Ah, c'est de la vague, on est des surfeurs un peu. C'est des morceaux. Ouais, ça fait.